Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast d'Héraclès. Ensemble, nous allons nous balader dans l'histoire en essayant d'aller un peu au-delà des idées reçues sur les périodes historiques et surtout en constatant que chaque période de l'histoire nous a laissé un héritage. Avant de commencer ce podcast, je vous demanderai de vous abonner, évidemment, pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Également, vous retrouverez sur Facebook notre page officielle en tapant dans la barre de recherche Héraclès Histoire, et vous nous retrouverez également sur YouTube en tapant Héraclès TV, donc Héraclès TV. Héraclès TV. N'hésitez pas à nous y rejoindre, je peux vous garantir qu'on y développe de super contenu. Alors donc pour ce premier épisode du podcast, je suis avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la chute de Rome, je crois. Tout à fait. Et justement, ça risque d'en surprendre, je pense, un peu plus d'un. Petit rappel avant que tu ne nous racontes cette belle histoire, je rappelle donc à nos chers auditeurs que ce premier épisode du podcast fait directement écho à la vidéo récemment publiée sur la chaîne YouTube intitulée La décadence occidentale et que j'ai réalisée en collaboration avec la chaîne Histoire avec une grande H. Pauline, nous t'écoutons. De tout temps, les hommes se sont référés à la chute de l'Empire romain pour expliquer ou encore légitimer leur situation. Les Allemands du 19e pour dire que les barbares avaient régénéré l'Empire romain en le faisant disparaître sous un torrent d'énergie germanique. Voltaire pour dire que le christianisme avait été la raison de la chute de l'Empire, etc. Ainsi, Rome était une ville ultra décadente, où un peuple de fainéants se fit annihiler sous les coups de boutoirs de masse d'étrangers ultra-déter, prêts à piller et à violer sans scrupules. En 410, c'est Alaric qui s'y colle. En 455, ce sont les Vandales pour que finalement l'Empire, dirigé par un adolescent boutonneux au nom ridicule Romulus Augustul, ne disparaisse totalement en 476. On a toujours essayé de comparer la chute de Rome avec notre propre civilisation afin de déterminer si on allait finir pareil. De nombreux philosophes ont établi que la chute de l'Empire romain d'Occident était le plus grand événement de l'histoire. Peut-être à nos yeux, mais en fait à l'époque, pas du tout. C'est plus sur un plan culturel finalement que la chute de Rome nous intéresse, car toute notre civilisation occidentale se base sur l'héritage gréco-romain. À chaque époque, on a ensuite essayé de trouver une explication moraliste à la chute de Rome. On a fait référence au bon vieux temps. Ainsi, les Romains seraient tombés à cause de leur état d'esprit décadent, par opposition aux Romains vertueux et austères des premiers temps. Ce discours, tenu par un bon nombre de moralisateurs actuels, est en réalité un lieu commun. À chaque époque, on a plus ou moins critiqué le présent en faisant référence au glorieux passé. La chute de Rome, c'est un vrai fantasme occidental. Certains déclinistes actuels nous disent que nous avons par exemple oublié notre foi chrétienne, nous amenant à nous pervertir dans la société de consommation. Pendant des siècles, il y a eu des débats sur le rôle de la religion dans la chute de Rome. On a tantôt invoqué un rôle positif du christianisme, comme saint Augustin l'affirme dans son livre « La cité de Dieu ». Après tout, les païens romains étaient complètement décadents, et la religion a sauvé ce qu'elle a pu. Les philo-barbares de l'époque, donc ceux qui aimaient bien les barbares, vont dire que c'était bien fait pour Rome. Voltaire ou Nietzsche, quant à eux, vont clairement déféquer sur la religion chrétienne qu'ils accusent de tous les maux et responsable selon eux de la chute de Rome. En réalité, on s'aperçoit qu'à la fin de l'Empire, la religion chrétienne a permis de redonner un sens à la romanité et a tenté de lutter contre la décroissance démographique de l'Empire. On a dit que l'armée romaine était décadente en faisant la comparaison avec nos armées actuelles, soi-disant dans le même état. Or, c'était faux là aussi. Le problème des armées romaines, c'était davantage leur commandement que leur qualité intrinsèque. Et aussi parce qu'elles n'arrivaient plus à se mobiliser en nombre suffisant pour protéger leurs frontières immenses. L'Empire, en effet, avait un problème de natalité. Et c'est là pour moi que se situent les deux points les plus intéressants sur la chute de Rome. La mauvaise gouvernance de l'Empire s'exprime par exemple dans le fait que les empereurs préféraient aller buter les usurpateurs plutôt que de combattre les barbares. Globalement, les classes aisées enfuient les commandements et préfèrent assurer la rentabilité de leurs terres. En plus de ça, les Romains, notamment en Occident, ne font plus d'enfants. Rome est tombée, mais l'héritage de Rome, lui, n'est jamais mort, et a donné naissance à notre civilisation actuelle, qui est issue de façon lointaine du métissage entre les Romains et les barbares. En effet, les barbares vont garder des Romains la séparation de deux lois, celle de la religion et celle de l'État. Contrairement aux zones islamisées, la loi de Dieu n'est pas la loi des hommes, et ça, c'est une des bases de l'Occident chrétien. Il n'existe pas là de civilisation qui disparaisse, qui ne se soit au préalable suicidée elle-même. Comme quoi, après toute chute, il y a une suite. C'est ça la vraie leçon de la chute de l'Empire. Merci à toi Pauline pour cet incroyable récit. C'est vrai que ça pose pas mal de questions sur notre vision d'histoire et les discours entendus dans les médias mainstream qui nous alertent régulièrement sur notre déclin. D'ailleurs, pour vous, sommes-nous décadents ? Laissez un petit commentaire sur notre page Facebook ou encore allez participer au débat dans les commentaires de la vidéo YouTube consacrée à ce sujet que vous retrouvez, je le rappelle, sur la chaîne Héraclès TV. Si vous avez aimé ce premier épisode, abonnez-vous au podcast et à la semaine prochaine pour un épisode consacré au début du Moyen-Âge, toujours avec Pauline, évidemment. Allez, c'était Héraclès, ciao !